serait parfaite si leur putain de les peines se forcera au pluriel. Qu'on va vous foutre le bordel pour toujours. Toi tu t'en seul, lequel de nous foutra le bordel? Confusion, accidentelle, lequel de nous foutra le bordel? Confusion, accidentelle, lequel de nous foutra le bordel? Ce soir c'est la bagaille, on prête enfin nos funérailles. On franchit les murailles, et puis on style. On va tout le bordel, ce ne sera pas criminel. On reprendra notre vie, ce qui est essentiel. Bordel, ce soir c'est l'heure pour détendre. On va foutre à sacré dawa. Dis-toi que je suis trop bon jeu, traîne pas trop près de mes souliers. Ce soir c'est l'heure pour détendre. On va te foutre à sacré dawa. Si tu tiens pas de collabo, tu ferais mieux d'aller te coucher tôt. Ce soir c'est la pagaille, on fête enfin nos funérailles. On franchit les murailles, et puis on style. Bordel, on va tout bordel, ce ne sera pas criminel. Bordel, on reprendra notre vie, ce qui est essentiel. Bordel.